Vous avez eu tort de ne pas prendre le train. C'est vrai, j'aurais dû prendre le train. Vous avez eu tort de ne pas partir plus tôt. C'est vrai, j'aurais dû partir plus tôt. Ils ont eu tort de ne pas prendre leur billet. C'est vrai, ils auraient dû prendre leur billet. Elle a eu tort de ne pas réserver un hôtel. C'est vrai, elle aurait dû réserver un hôtel.